Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon. Vous écoutez CKRL 89A et c'est parti pour une heure de science avec Futur Simple. Une heure de science et même plus, car en ce jour de l'an, c'est parti pour une nouvelle année de découvertes scientifiques, une nouvelle année à explorer les rivages de la science, et bien sûr, une nouvelle année que je vous souhaite la meilleure possible, avec plein de petits bonheurs au quotidien. Alors au menu aujourd'hui, Samuel va s'entretenir avec Denise Toussignant, la rédactrice en chef de la revue Le Naturaliste canadien. Il sera notamment question de l'importance de la communication scientifique en français. Ça, ce sera à 18h30. Et pour le moment, on va faire une petite rétrospective sur l'un des événements phares de cette fin d'année 2023, la COP28. Andreas Louis est chargé de projet climat et énergie au regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Il est aussi étudiant de second cycle sur les politiques climatiques internationales et dans le cadre de ses cours, il a suivi quotidiennement, même de façon nocturne, les déroulements de la COP28. Alors, je suis bien contente de le recevoir au micro de Futur Simple pour qu'il nous fasse un résumé de cette COP28. Bonjour, Andreas. Bonjour Valérie, merci pour l'invitation. Alors, Andreas, peut-être on pourrait commencer par un petit cours 101 sur les COP pour rappeler ce que ça veut dire et ce qu'il s'y passe. Alors oui, bien sûr. Donc COP en anglais, c'est conférence des parties. Donc en fait, c'est une sorte de réunion, une grande réunion où les États qui sont signataires d'une convention vont se réunir puis discuter, négocier autour de cette convention. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et puis c'est la 28e réunion dans le cadre de cette convention, d'où le COP28. En fait, là, on parle de COP sur les changements climatiques, mais il y a aussi des COP sur d'autres sujets comme la biodiversité, par exemple. Cette convention, elle vient notamment du sommet de la Terre de Rio en 1992, là où il y a justement deux autres conventions, donc trois au total, qui ont eu lieu en lien avec des enjeux environnementaux. Donc les deux autres, c'était sur la biodiversité puis la désertification. Et puis cette convention, initialement en 92, ce qu'elle fait principalement, c'est reconnaître déjà qu'il y a un problème, donc le changement climatique, et puis elle va fixer un objectif. Un peu flou, un peu vague, qui est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc là, il n'y a pas de quantification, on ne sait pas très bien encore ce que c'est une perturbation dangereuse, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il y a quand même au-delà de cet objectif, il y a quelques principes qui sont reconnus. Il y a le principe de précaution, donc on veut essayer d'anticiper les impacts qu'il pourrait y avoir dans le futur de manière à les prévenir. Il y a le principe des responsabilités communes mais différenciées. Donc ça, c'est le fait que tous les pays, puis tous les individus sur cette Terre sont responsables du changement climatique, mais n'en sont pas du tout responsables de la même manière. Ils n'ont pas non plus les mêmes capacités financières ou autres pour y faire face. Et puis, on reconnaît aussi le principe du droit au développement. Donc, on reconnaît qu'il y a certains pays qui n'ont pas nécessairement atteint certains besoins sociaux. Donc, ils ont besoin aussi de se développer pendant un certain temps. Et ensuite, donc, de cette convention, elle va découuler un premier protocole qui va s'appeler le protocole de Kyoto. Donc, on voit que la convention, c'est on fixe des grands objectifs, des grands principes. Et ensuite, tout le but des COP, c'est d'opérationnaliser ces grands principes, ces grands objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on a une COP chaque année, que les États continuent de négocier d'année en année. C'est un processus cumulatif, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, on a le premier protocole de Kyoto. Les négociations commencent en 97. Et il va seulement entrer en vigueur en 2005, donc 8 ans après. Là, il y avait des objectifs de réduction des émissions qui étaient seulement pour les pays développés, qui devaient atteindre environ un 5% de réduction entre 2008 et 2012. Cet accord, c'est plutôt un échec, clairement. Donc vraiment, il entre en vigueur en 2005, alors que les objectifs sont seulement à partir de 3 ans après, donc c'est beaucoup trop tôt. La dynamique des émissions a totalement changé entre 1997 et 2005. On a des pays émergents, notamment la Chine, qui ont eu leurs émissions exploser. Et ça va faire qu'il y a des pays importants, donc notamment les États-Unis, qui ne vont pas ratifier cet accord, alors que c'était les plus grands émetteurs à l'époque. À la suite de ça, on va avoir donc le fameux accord de Paris en 2015. On a eu une première tentative à Copenhague en 2009, mais qui a échoué. Donc en 2015, à Paris, on a l'accord de Paris. Et donc là, c'est le nouveau sorte de carte mondiale qui va fixer comment est-ce qu'on va faire face au changement climatique. C'est ça aujourd'hui qui la principale gouvernance climatique. Donc il y a trois objectifs principaux. Un de température, c'est on veut maintenir la température bien en dessous de 2 degrés. Un objectif de capacité d'adaptation, puis un objectif de flux financier. Puis la chose la plus importante à comprendre sur l'accord de Paris, c'est la manière dont il est pensé, c'est que les États doivent, on va plus dire à chaque État ce qu'ils doivent faire, on doit dire collectivement, voilà ce qu'on doit faire. Et maintenant, c'est à chaque État de dire c'est quoi leur contribution, leur plus haute contribution possible pour atteindre ces objectifs globaux. Donc voilà. Puis il y a deux principes fondamentaux sur lesquels l'accord de Paris mise. C'est le fait de rehausser continuellement nos ambitions et nos actions. Donc à chaque fois qu'on va faire un bilan, on veut que on fasse plus, on ait plus d'ambition, plus d'action. Et puis aussi de la transparence. Donc les États vont devoir divulguer leur plan climatique pour qu'on ait une certaine transparence, pour que la société civile puisse faire pression sur les États pour qu'ils atteignent les objectifs globaux. Donc c'est bien, là vous nous avez bien remis le contexte, qu'est-ce que c'est les COP et tout le chemin parcouru, ou peut-être pas parcouru, pas encore parcouru, ou ce qu'il nous reste à parcourir. Donc c'est dans ce contexte qu'on arrive à la COP 28, et là elle se déroule quand même dans un contexte particulier parce que c'est à Dubaï, donc dans un état pétrolier. Donc qu'est-ce que ça induit comme contexte, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était particulier à cause de ça? En fait, initialement, il faut rappeler que les COP ont lieu dans cinq zones, cinq groupes régionaux, et en fait, ça alterne entre chaque zone géographique tous les 5 ans. Donc là, cette année, ça avait lieu dans le groupe c'est Asie et Moyen-Orient, et ce groupe-là a déterminé que ce serait aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï en l'occurrence. Donc en effet, c'est un État producteur et exportateur d'énergie fossile, et ensuite ce pays-là, donc les Émirats Arabes Unis, a élu pardon, le sultan Al-Jaber comme président de la COP 28. Donc le sultan Al-Jaber qui est, il faut savoir aussi que c'est quand même un habitué des COP, hein, il a fait plusieurs COP pour les Émirats Arabes Unis. C'est en ce moment le ministre de l'Industrie et des Technologies des Émirats Arabes Unis, mais c'est aussi le PDG d'ADNOC, qui est la compagnie pétrolière nationale, et aussi le président de Masdar, qui est la compagnie nationale d'énergie renouvelable. Donc il y a vraiment plusieurs casquettes sur sa tête. Et donc tout ça a amené beaucoup de controverses, d'articles et de révélations durant toute l'année, donc par rapport au choix du lieu et du président, notamment parce que la compagnie pétrolière prévoit encore une expansion de ses activités qui n'est pas compatible avec une trajectoire donc de 2 degrés ou voire même de 1,5 degrés. Donc ça amène certaines questions de conflits d'intérêts. Il y avait des soi-disant révélations comme quoi le président de la COP aurait utilisé des réunions de préparation à la COP pour des contrats d'énergie fossile. Ça a été démenti, on ne sait pas très bien où est le vrai du faux. Mais en tout cas, il y a tous ces conflits d'intérêts qui font un peu soulever quelques voix. Par contre, il faut quand même rappeler que les COP, c'est un processus qui est vraiment guidé par les parties. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment les pays qui doivent guider, puis guider dans les négociations. Et en fait, comment dire, la présidence peut simplement accélérer ou décélérer, on va dire, des positions puis des dynamiques qui sont déjà en place, donc notamment en faisant des propositions qui sont soit plus ambitieuses que la moyenne, soit moins ambitieuses que la moyenne. Mais la présidence ne pourra jamais aller à l'opposé, en contradiction avec les partis. Les partis pourront toujours s'opposer, en fait, modifier les propositions de la présidence. Donc c'est elles qui auront toujours le dernier mot. Et puis en l'occurrence, les différentes positions de ces partis sont historiquement guidées par deux grands blocs. Donc on a avoir le bloc des pays en développement qui va surtout être guidé par la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Inde, qui est un bloc qui va surtout en fait regarder en arrière, c'est-à-dire qu'eux, ils vont regarder tous les manquements qu'on n'a pas réussi à faire en termes d'atténuation, donc tous les objectifs qu'on n'a pas atteints en termes de réduction des gaz à effet de serre, puis tous les manquements que les pays développés n'ont pas fait en termes de financement, c'est-à-dire tout le financement qui devait amener aux pays en développement. Donc en fait, ils vont insister beaucoup sur la responsabilité historique des pays développés. Et dire que en fait, l'action des pays développés est conditionnelle à l'action des pays en développement. Puis à l'inverse, on a l'autre bloc, celui des pays développés, qui est notamment guidé par les États-Unis et l'Union européenne, l'Europe de manière générale, qui eux vont plutôt se tourner vers l'avenir et donc dire, ben, en fait, d'ici 2030, il faut qu'on réduise nos émissions de moitié. Pour l'instant, globalement, on va réduire nos émissions de 5%. Donc, il y a un énorme écart d'ambition et d'action pour atteindre nos objectifs collectifs. Donc là, il faut que tous collectivement, on rehausse nos ambitions, nos actions, et ça ne passera pas que un leadership des pays développés. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Puis là, bien sûr, il y a des nuances à apporter. Hein, il y a des pays exportateurs d'énergie fossile qui vont être soit développés, soit en développement, qui eux vont vont bloquer les accords sur l'énergie fossile. Puis à l'inverse, on a des petits États insulaires qui, eux, sont très vulnérables au changement climatique, qui, eux, vont pouvoir faire le pont entre les deux grands blocs parce que, eux, ils veulent beaucoup d'ambition sur l'atténuation, puis aussi beaucoup d'ambition sur le financement. Donc, ils font un peu le lien entre les deux blocs. Puis en fait, à cette COP-là, on avait justement des principaux enjeux de négociation, donc pour lesquels les groupes de pays de négociation vont s'affronter. C'était le bilan mondial qui vise à faire un bilan de là où on en est, puis là vers quoi on devrait aller, les pertes et préjudices et l'adaptation dont on parlera plus tard. Et puis tout ça est saupoudré, bien sûr, vu que c'est des négociations de l'ONU, d'un contexte international géopolitique. En l'occurrence, aujourd'hui, on est dans ce que certains appellent une crise multidimensionnelle, donc c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de, avec la sortie de la pandémie, avec la crise énergétique en Europe, avec l'augmentation des coûts des matériaux, ben, il y a une énorme inflation mondiale. Donc là, certains pays se trouvent à choisir entre financer l'action climatique ou financer les services publics. Puis bien sûr, il y a la crise de la dette, surtout pour les pays en développement. Et on a un certain nombre de tensions diplomatiques avec les guerres en Ukraine, puis les guerres maintenant en Israël et au Hamas. Et comment ça se passe sur place le déroulement? Parce que j'imagine un peu, j'imagine assez difficilement en fait toutes ces personnes qui viennent d'un petit peu partout, surtout il y a les officiels, il y a les non officiels, il y a plusieurs activités en parallèle. Donc comment ça se passe sur place? Oui, bah en fait, cette année, on avait environ entre 80 et 100 000 personnes qui étaient à la COP. Donc, pour savoir, c'était vraiment la plus Alors, grosse COP historique. Avant, on était plutôt, la plus grosse, c'était plutôt aux alentours de 40-50 000. Donc là, c'était vraiment le double. Donc, il y a, entre guillemets, plusieurs COP qui se déroulent en parallèle. Il y a la COP des négociations. Il y a ensuite un certain nombre d'événements parallèles, donc des conférences, des annonces politiques. Ça va être des scientifiques, des ONG ou des entreprises qui vont pouvoir assister à ça. Et puis, on a aussi même une zone. Donc là, les deux premières choses que je viens d'évoquer, c'est des zones qui sont pour des personnes qui sont accréditées par les Nations Unies. Et ensuite, on va avoir même une zone qu'on dit verte, donc là, qui est accessible au grand public. Et c'est là où il va y avoir aussi un très grand nombre de personnes qui vont s'y retrouver. Carrément, toutes ces COP qui se chevauchent entre elles. Mais il ne faut pas oublier que les COP, de base, c'est vraiment les négociations climatiques. C'est vraiment de ça dont on parle. Puis en l'occurrence, donc là, les pays, ils partent pas d'une feuille blanche à chaque COP, hein, comme je l'ai expliqué. Il y a tout un historique des négociations, un historique des dynamiques entre les différents pays. Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a eu le premier jour dans le déroulement, on a eu un accord en fait sur les pertes et préjudices. Donc là, c'est la première fois qu'on avait un accord au premier jour d'une COP. Donc c'était assez historique dans ce sens-là. Donc les pertes et préjudices, c'est quoi? C'est en fait pour faire face au changement climatique, on va essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais on va quand même devoir s'adapter à certaines conséquences, et puis aussi certaines conséquences auxquelles on n'est pas capable de s'adapter. Donc c'est là que ça, c'est les pertes et préjudices. Ça ah peut aussi bien être économique que non économique, puis ça peut aussi bien être des événements extrêmes ponctuels que des événements plus graduels. Donc ça, en fait, c'est une demande historique, notamment des petits États insulaires, depuis le début de la Convention, en fait, depuis les années 90, d'avoir un fonds destiné aux pertes et préjudices auxquels ils font face, parce que c'est une réalité. Puis en fait, l'année dernière, à la COP27, c'est la première fois qu'on a eu la décision de créer un fonds dédié à ces pertes et préjudices. Et donc, il y a eu un comité qui s'est réuni entre l'année dernière, donc la COP27, et cette année, la COP28, un comité de pays qui, en fait, devait établir les paramètres de ce fonds. Puis ça a été vraiment une surprise que ce fonds soit adopté dès le premier jour de la COP parce qu'il y avait quand même des gros enjeux qui étaient négociés. Donc, notamment, on devait déterminer qui contribue à ce fonds. Donc, est-ce que c'est les pays développés? Est-ce que c'est les pays les plus émetteurs? Est-ce que c'est les pays les plus responsables historiquement? Est-ce que c'est n'importe qui pourrait contribuer? Est-ce que c'est du public et du privé? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions soulevées. Pour l'instant, c'est on invite seulement les pays développés à participer au commencement du fonds. Donc, c'est quand même des termes qui sont très, très mous, pour le dire comme ça. On a aussi la question de qui va bénéficier de ce fonds. Donc, est-ce que c'est les pays en développement? Est-ce que c'est les pays vulnérables? Est-ce que c'est les pays les plus vulnérables? Donc, plein de nuances encore. Là, pour l'instant, la formulation, c'est les pays de développement qui sont particulièrement vulnérables. Donc là, il faut aussi définir la vulnérabilité. Ça peut prendre en compte plusieurs paramètres. Et ensuite, il y a la question du montant, puis comment dire, comment ce fonds est. Par quel mécanisme est-ce qu'on va donner les fonds? En l'occurrence, les pays en développement voulaient pas du tout que voulaient que ce soit vraiment un nouveau mécanisme, donc pas la Banque mondiale. Et puis finalement, l'entre-deux qui a été trouvé, c'est que ça va être dans la Banque mondiale, mais via un organisme indépendant, puis c'est seulement pendant 4 ans. Donc au bout de 4 ans, on va renégocier la manière dont ça va être fait. Ça pourrait sortir de la Banque mondiale. Puis quand il y a eu cette annonce sur les pertes et préjudices, il y a ensuite beaucoup d'annonces de contributions de pays qu'on suivi dans les minutes. Hein. Il y a eu les Émirats arabes unis qui ont annoncé un 100 millions, Il y a eu les États-Unis et le Canada qui ont annoncé entre 12 et 16 millions, l'Union européenne qui a annoncé un 100 millions aussi, et tout ça pour un total à la fin de la COP d'environ 800 millions. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, les besoins estimés en pertes et préjudices sont entre 150 et 600 milliards par an. Donc, c'est entre 200 à 750 fois plus. Puis, bien sûr, c'est tous les ans. Donc, ce n'est pas une fois ponctuellement. Donc, c'est vraiment des chiffres beaucoup plus élevés. Par contre, il reste un certain nombre de paramètres à déterminer. Donc, pour l'instant, c'est vraiment juste un premier texte qui a été adopté. Ça reste quand même un coup diplomatique de la part des Émirats arabes unis. Ça montre qu'ils ont eu beaucoup de travail en amont de la COP pour obtenir un accord là-dessus. Et ça montre aussi qu'ils voulaient donner de l'élan pour le reste de la COP. Ensuite, il y a eu beaucoup, en fait, dans les premiers jours de la COP, sont toujours rythmés par beaucoup d'annonces et de déclarations politiques dans lesquelles il faut faire du tri parce qu'elles sont vraiment pas toutes pertinentes, puis la plupart du temps, pas du tout respectées. Il y a eu des annonces sur la santé, des annonces sur la biodiversité, sur les systèmes alimentaires et l'agriculture, puis aussi beaucoup d'annonces sur les énergies. Mais ça fait pas nécessairement partie des négociations. C'est vraiment des États qui s'engagent à faire ça. Mais sinon, pour revenir aux négociations, les principaux enjeux de négociation étaient donc notamment le bilan mondial. Donc là, en fait, c'est que dans l'accord de Paris, on s'est dit que tous les 5 ans, on allait faire un bilan de l'avancement de où est-ce qu'on en était pour atteindre nos objectifs. Donc notamment atténuation, adaptation et financement. Et donc tous les 5 ans, on fait ce bilan-là et ensuite on veut rehausser nos ambitions et nos actions à la suite de ce bilan-là. Donc ça faisait déjà 2 ans que ce processus était entamé, donc un bilan technique qui vise à dire bah, voilà où est-ce qu'on en est concrètement. Puis là, la COP28, c'était la dernière phase politique pour qu'on s'approprie et qu'on se dise bah, qu'est-ce qu'on fait de là où on en est, qu'est-ce qu'on va prendre comme nouvelle mesure. En l'occurrence, pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés au lieu de 2, voire 1,5 degrés. On est sur une trajectoire de réduction des émissions de 5% au lieu de 43% d'ici 2030, et on a énormément de retard sur l'adaptation. Et là-dessus, les négociations se sont énormément cristallisées sur les énergies fossiles dans le bilan mondial, alors qu'il y avait plein d'autres enjeux qui devaient être couverts, pour plusieurs raisons. C'est un sujet qui, historiquement, a été évité dans le cadre des COP, hein, ce qui peut paraître ironique. Les éléments scientifiques sont aussi de plus en plus clairs. Donc, le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie nous disent que leurs conclusions nous disent qu'il n'y a pas besoin de nouveaux champs pétroliers gaziers, puis une nouvelle centrale à charbon. Puis, bien sûr, bah, le lieu et président de la COP28 a aussi fait beaucoup monter médiatiquement cet enjeu. Puis, on avait aussi le financement. Donc, ça, c'est toujours un enjeu qui est au cœur des négociations. Là, ce qu'il faut rappeler, c'est que les pays développés sont historiquement plus responsables du changement climatique, ils sont globalement moins vulnérables aux impacts du changement climatique et ils ont plus de capacités financières pour y faire face. À l'inverse, les pays en développement, ils doivent des fois quasiment choisir entre atteindre leurs besoins sociaux puis la lutte contre les changements climatiques. Et puis aussi, ils ont des taux d'intérêt et des accès aux fonds qui sont beaucoup plus inégaux, beaucoup plus difficiles que les pays développés. Et enfin, un dernier enjeu d'adaptation, de négociation cette année, c'était sur l'adaptation, qui est vraiment un enjeu sur lequel on a beaucoup de retard et qui a été très peu négocié dans les COP. Donc là, l'objectif, c'était de mettre en œuvre l'objectif de l'accord de Paris de manière plus concrète. Il y a un programme de travail qui a été lancé il y a 2 ans qui vise à guider les parties. Et finalement, en fait, les négociations sont vraiment difficiles sur l'adaptation parce que c'est des enjeux qui sont très spécifiques à chaque pays, à chaque région, donc très dépendants du contexte. Donc on peut juste faire des négociations de haut niveau pour fixer des grandes lignes. Les pays en développement demandent du financement pour la mise en œuvre, car pour l'instant, le financement de l'adaptation est 18 fois moins que ce qu'il faudrait. Puis à cela, les pays développés répondent qu'ils prévoient de doubler le financement de l'adaptation, donc ce qui reste toujours très inférieur. Puis ils répondent aussi que, en fait, le financement sera surtout discuté à la COP29 l'année prochaine, parce qu'il y a un enjeu de négociation autour de ça. Et alors finalement, au bout de ces, combien ça a duré, 10 jours, je crois, ou en tout cas près de presque 2 semaines, donc on en est arrivé à quel accord final après toutes ces discussions? Alors oui, en fait, sur les énergies fossiles, ça a été l'enjeu, je pense, le plus médiatisé, hein, dont tout le monde a entendu parler. C'est ce qui a fait les grands titres. Donc on est arrivé, on s'est entendu sur. Il y avait eu des propositions d'élimination des énergies fossiles. Ensuite, il y avait une proposition de réduction de la production et de consommation d'énergies fossiles. Puis finalement, on s'est entendu sur transitionner en dehors. Donc je ne sais pas si la traduction est parfaite, mais ça donnerait transitionner en dehors des énergies fossiles. Ce qu'on peut comprendre comme une sorte d'élimination des énergies fossiles, puisque transitionner en dehors, transitionner à l'extérieur, ça induit qu'à un moment donné, on va devoir en sortir complètement. Par contre, les nuances à apporter, c'est que les États sont simplement appelés à transitionner en dehors des énergies fossiles. Donc, appelé, c'est un terme qui juridiquement est faible. C'est aussi une transition en dehors qui doit se faire selon le principe des responsabilités communes mais différenciées. Donc ça, parfois, les pays donc exportateurs de pétrole comme l'OPEP vont interpréter ça de manière à ce qu'eux, ils ont le droit encore d'étendre leur production et exportation d'énergie fossile au moins pendant un temps et ensuite en sortir. Donc à court terme, c'est pas très, ça peut être interprété comme pas très contraignant. Par contre, il y a des bonnes références, donc notamment à la justice et à l'équité, pour que tout le monde doit justement pas sortir des énergies fossiles au même rythme. Il y a une référence à cette décennie critique, vu qu'on doit réduire nos émissions de quasiment moitié d'ici 2030. Il y a des références aussi à la science. Donc ça, c'est des bons éléments qui font que globalement, sur les énergies fossiles, on a un libellé de phrase qui est une des meilleures options qu'on a eues sur la table pendant toute la COP28. Il reste qu'il y a un petit doute sur l'interprétation à court terme, parce que notamment, il y a une autre phrase qui fait une référence à l'utilité des combustibles, donc dits de transition. Donc là, c'est clairement une référence au fait qu'on pourrait utiliser notamment le gaz naturel comme un combustible pour transitionner des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et ça, c'est en fait, c'est une phrase qui aurait permis à ce que les pays, donc notamment de l'OPEP et la Russie, auraient accepté cet accord. Donc ça, c'est clairement un gros drapeau rouge. Par contre, il faut toujours se rappeler que normalement, cette transition, cette utilisation à court terme, doit se faire toujours en lien avec les objectifs de l'accord de Paris, donc sur une trajectoire de 2 degrés. Puis sur les énergies, on a aussi le triplement des renouvelables et le doublement de l'efficacité énergétique, qui sont des valeurs utilisées dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, qui sont reconnues. Donc ça, c'est des bons éléments. Le gros bémol, c'est vraiment sur le financement et sur l'adaptation. Donc, et puis l'adaptation aussi, c'est d'ailleurs lié au financement. Donc les pays en développement ne pourront pas sortir des énergies fossiles s'ils n'ont pas de financement. Et sur l'adaptation, il y a vraiment les négociations beaucoup tardées. Et puis ça aussi, c'est à cause du financement, parce que les pays en développement en demandent plus. Et tout ça sera négocié l'année prochaine, lors de la prochaine COP. En fait, sur cette COP, il y a eu vraiment il y a eu beaucoup d'engouement à la suite de l'accord. C'est le cas, hein, sincèrement, il faut reconnaître que c'est un accord historique parce qu'on nomme les trois énergies fossiles. Mais en fait, ça dépendra toujours de comment est-ce que cet accord va être mis en œuvre, va être approprié par les différentes parties. C'est toujours un dilemme parce qu'en fait, on veut que politiquement, puis médiatiquement, on veut beaucoup insister pour donner une impulsion, pour donner un indice aux investisseurs qu'on veut sortir des énergies fossiles. Puis en même temps, on ne veut pas trop créer de frustration si on n'atteint pas cet accord. Donc il y a toujours ce dilemme médiatique et politique à gérer. Mais ça reste que c'est quand même un accord historique qu'il faut le reconnaître. Et dans le peu de temps qui nous reste, Andreas, là, 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? On doit s'attendre à quoi d'ici la prochaine COP, d'ici la COP 29? Alors en fait, ben, comme je l'ai beaucoup dit pendant les dernières minutes, le financement va être vraiment un des enjeux principaux de la prochaine COP. La prochaine COP d'ailleurs qui aura lieu à Bakou, donc en Azerbaïdjan. Là aussi, ça a été controversé pour le choix du lieu, parce que c'est aussi un pays dépendant des énergies fossiles. Mais il faut faire aussi de toute façon avec ces pays-là. Et donc on va essayer à cette COP-là, de définir le prochain objectif des 100 milliards. Donc en fait, en 2009, les pays développés se sont engagés à fournir 100 milliards par an à partir de 2020 aux pays en développement. Et puis en fait, en 2020, ils ont fourni 83 milliards. Donc déjà, ils n'ont pas atteint l'objectif de 100 milliards. Puis en plus, ce 100 milliards est bien inférieur aux besoins des pays en développement qui se chiffrent plutôt en milliers de milliards. Donc là, c'est vraiment le cœur des négociations va être là-dessus. Puis c'est ça qui permet à chaque fois de débloquer ou pas le reste. Donc à savoir une sortie des énergies fossiles plus rapide pour les pays en développement et puis des plans d'adaptation plus importants pour les pays en développement aussi qui doivent faire face au changement climatique. Bon, ben alors on va sûrement continuer de suivre ça dans les mois prochains. Et évidemment, c'est un nouveau rendez-vous qu'on se donne à la COP 29. C'est comme ça maintenant, chaque année en décembre. Alors, merci beaucoup, Andreas, pour cette synthèse de la COP 28. Merci Valérie. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Andreas Louis, qui est chargé de projet climat et énergie au regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec et qui est également étudiant de second cycle sur les politiques climatiques internationales. Et on voit qu'il suit ça à la perfection. Merci beaucoup, Andreas, et à une prochaine fois. Merci, à la prochaine. Alors, on va faire une petite pause sur CKRL 89.1, mais Futur Simple se poursuit avec Samuel Lauzon et la vulgarisation scientifique en français. Suzanne t'emmène chez elle, à sa demeure au bord de l'eau, là où l'on entend les grands bateaux. tu passes toute la nuit près d'elle. Tu la crois aussi folle que belle. C'est pour ça que tu restes avec elle, buvant du thé, mangeant des oranges qui viennent de la Chine lointaine. Et quand tu veux lui dire qu'avec le temps les cœurs changent, elle semble ne pas comprendre et laisse le fleuve te répondre. Tu seras toujours son amant. Tu voudrais partir avec elle, partir au bout du monde pour un long voyage. En amour, tes désirs sont clairs et sans sur les eaux. Il regarda longtemps au loin, du haut de sa solitude. Il eut bientôt la certitude que seuls les noyés pouvaient le voir. Homme sur les mers de l'espoir, vous voguerez jusqu'au dernier soir. Hélas, lui aussi fut blessé, abreuvé d'injures et de fiel, abandonné même par les siens. Il sombra sous la souffrance avant de retrouver le ciel. Tu voudrais poursuivre son rêve, le suivre au-delà du monde pour un long voyage. En il sait que tes désirs sont clairs et sans détour. Posant sa main dans la tienne, Suzanne vers le fleuve t'emmène. Elle porte dentelles et plumes au hasard des semaines. Le soleil tombe ainsi que du miel sur Notre-Dame et sa chapelle. Elle t'enseigne de son regard, à travers les ruines et les fleurs, à voir les fantômes dans la brume, à voir les enfants dans l'aurore. Tu espères alors ce jour où les hommes se tourneront vers l'amour comme Suzanne vers son miroir. Tu voudrais partir avec elle, partir au bout du monde pour un long voyage. En amour, tes désirs sont clairs et sans désir. Sont clairs et sans détour.